Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL 89,1. Alors, lors de nouveaux projets de construction d'édifices, on entend parler de certification LEED pour assurer une certaine qualité environnementale du bâtiment. On entend aussi parler de certification LEED argent ou platine. Alors, de quelle façon cette certification assure que le nouveau bâtiment est construit de façon plus respectueuse pour l'environnement? Alors, c'est ce que nous allons voir avec notre chroniqueuse Geneviève Gay. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, tout d'abord, LEED, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Ben, en fait, c'est l'abréviation de Leadership in Energy and Environmental Design. Ça a été lancé au Canada là, en mars 2009. C'est par le Conseil du bâtiment durable du Canada. En fait, c'est la version canadienne du LEED for Homes qui existe aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Et la mission que s'est donnée le Conseil du bâtiment durable est de faire en sorte que les environnements bâtis vont être les plus écologiques possibles, tout en étant rentables et sains pour ceux qui y vivent, qui y travaillent ou qui s'y divertissent. Alors, en gros, il s'agit pour les bâtiments d'accumuler des points pour intégrer des pratiques, des technologies écologiques durables qui vont au-delà de ce qui est exigé lors de la construction qu'on peut dire là, conventionnelle. Oui, qui est normée probablement par le code du bâtiment, c'est ça? C'est ça, exactement. Il y a donc un minimum de points à atteindre pour être certifié. Dans le cas des habitations, le minimum de points va être déterminé par la grandeur de la maison et le nombre de chambres à coucher, donc ça s'adapte. OK. Il y a 19 mesures obligatoires, c'est des prérequis en fait, qui sont répartis dans 8 thèmes dans lesquels chaque projet doit obtenir un minimum de points. Plus il y a de points accumulés, plus le projet peut dépasser le simple niveau certifié et aller obtenir un niveau supérieur, comme tu dis, qui est soit argent, or ou platine. Pour être simplement certifié, il faut obtenir 45 points au minimum, alors que pour être platine, il faut en obtenir au moins 90 sur les 136 points qui est possible d'acquérir. On entend surtout parler de certification LEED lors de la construction d'un nouveau bâtiment, mais est-ce que ça existe aussi pour les maisons? Ah, exactement. Il y a plusieurs systèmes d'évaluation LEED, puis ça, c'est selon le type de projet de bâtiment, justement. Okay. Ça peut s'appliquer strictement aux nouvelles constructions en général. Ça peut s'appliquer à l'aménagement des espaces intérieurs. Ça peut s'appliquer au noyau et à l'enveloppe d'un bâtiment. Aussi, s'appliquer à la rénovation de bâtiments qui existent déjà, aux habitations, comme tu as dit, mais aussi au développement des quartiers. Ça a été instauré là, en juin de cette année ici, au Canada. Donc, oui, je pourrais vous parler de chaque système d'évaluation, mais il faudrait que je fasse une chronique pour chacun. Donc, pour le moment, je vais vous parler de la certification LEED pour les habitations qui vont s'appliquer là, aux maisons unifamiliales individuelles puis aux habitations multifamiliales d'au plus 3 étages. Donc, règle générale, comme je le disais, pour se classifier, le projet à évaluer doit satisfaire certains prérequis puis acquérir un minimum de points. Il y a des coûts pour s'inscrire au programme puis pour se certifier. Comme, par exemple, les propriétaires d'une maison unifamiliale, ça peut coûter 500 $ pour s'inscrire et se certifier, en plus de coûts supplémentaires qui peuvent être requis par les évaluateurs, ouais, dans les fournisseurs de services. Payer, en fait, ouais, c'est ça. Au Québec, c'est Écohabitation qui fournit les services à ceux qui veulent se certifier. Il y a le site Internet du même nom, si vous voulez plus de renseignements à ce sujet-là. Mais comment ça marche, en fait? Comment est-ce qu'on procède pour obtenir une certification LEED? Ben, en fait, c'est un système de reconnaissance des performances en 136 points qui va garantir un niveau minimum des pratiques durables qui ont été adoptées pendant la réalisation du projet, de la conception là, jusqu'à la réalisation, le dernier camion soit parti. D'accord, ouais. Donc, les points forts de l'évaluation, ça va surtout concerner l'efficacité énergétique. Mm-hmm. Donc, une maison LEED va assurer de 30 à 60 % d'économie d'énergie. La gestion efficace de l'eau. Une maison LEED va assurer une consommation d'eau jusqu'à 2 fois moins élevée que dans une maison classique. Un autre point fort, bon, c'est la qualité supérieure des matériaux qui sont utilisés. On met beaucoup d'emphase sur les matériaux durables, les matériaux locaux aussi. Locaux, hein, c'est important. Ouais, hein. Exactement, oui. Puis la qualité de l'air intérieur aussi est très visée par ce système-là. Donc, l'évaluateur va tenir compte des 8 thèmes suivants. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils sont? C'est ça. Le premier, l'innovation et le processus de conception. Donc, il s'agit en gros de démontrer que la planification du projet va se faire de façon intégrée et durable. Puis, le concept va être aussi novateur ou régional. Bon, donc, il y a un maximum à atteindre de 11 points. Il n'y a pas de minimum requis dans cette catégorie-là. D'accord. Ça veut dire que c'est une catégorie un petit peu moins importante, c'est pas de minimum requis. Moi, je dirais pas ça. J'ai de la misère à les hiérarchiser, okay. Sauf que ça peut avoir un impact. Il y a des gens qui sont un peu contre ça, le fait qu'il n'y ait pas de minimum requis. C'est un peu comme si on exigeait moins sur ce critère-là. Exactement, c'est ça. Donc, Mais pourtant, ça ne veut pas dire que c'est moins important. Non, non, c'est fait. Tu as tout à fait raison. Bon, le deuxième thème, l'emplacement et les liaisons. Autrement dit, ben, l'emplacement de la maison va se faire dans un contexte qui est socialement puis écologiquement viable. C'est la proximité, etc. Uh-huh. Donc, il y a un maximum de points de 10, et encore là, aucun minimum. Okay. Donc, on peut obtenir la certification sans avoir rempli aucune exigence de ce niveau-là, à ce niveau-là. Troisième thème, l'aménagement écologique des sites. On s'assure à ce moment-là que l'utilisation du terrain va minimiser l'impact sur le site, puis que, bon, on s'assure, la façon dont c'est conçu, que l'aménagement va diriger les eaux de pluie, qu'on va être capable de réutiliser les eaux de pluie, ou au moins que ça n'aura pas un impact, ça n'ira pas engorger le système d'égout, etc. Uh-huh. Donc, à ce niveau-là, il y a 22 points de maximal, un minimum de 5. Donc, on est obligé de conformer à un des points de ce thème-là. Sinon, on ne l'a pas, ouais, c'est ça. C'est ça. Quatrième thème, c'est la gestion efficace de l'eau. Donc, il faut s'assurer d'adopter et d'implanter des mesures de conservation de l'eau, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Il y a un maximum de 15 points à aller chercher là, un minimum de 3 qui est exigé. Le cinquième thème, c'est l'énergie et l'atmosphère. Autrement dit, il faut s'assurer que l'enveloppe du bâtiment et des équipements va permettre une haute performance énergétique. Ça, c'est le thème bonbon pour beaucoup de gens. Maximum 38 points, aucun minimum. Ouais, parce qu'effectivement, ils sauvent l'argent avec ça. Bien, ils ne sauvent pas l'argent, mais l'affaire, c'est qu'est-ce qui arrive, ou qu'est-ce qui, le danger qui peut arriver, c'est que certains promoteurs vont mettre beaucoup d'emphase là-dessus au détriment des autres. Parce que, comme je vous rappelle, il y a 45 points, on est certifié. Donc, si on va chercher un maximum de points-là, c'est facile après ça d'aller, si en mettant un maximum de points-là, d'efforts sur ce thème-là, puis on peut négliger les autres, mais on va être quand même certifié. D'accord, je comprends très bien, mais quand tu disais bonbon, moi je comprenais dans le sens que, étant donné que le promoteur peut dire, écoutez, vous allez sauver tant d'énergie. Oui, il y a ça aussi. C'est, donc, effectivement, tout est bon. Effectivement. C'est très bien, sauf que le temps. Mais ça a peut-être un intérêt supplémentaire, puisqu'effectivement, il y a un retour sur l'investissement. Oui, il y a ça, sauf qu'il y a des gens qui vont mettre uniquement l'énergie là-dessus. Oui, c'est un fait. C'est énergie, atmosphère, mais tellement trop. Les matériaux, les ressources, c'est le sixième thème. Donc, démontrer une utilisation efficace des matériaux, sélectionner les matériaux écologiques et durables et locaux, et la réduction des déchets aussi. Dans ce thème-là, on peut aller chercher un maximum de 16 points, puis un minimum de 2 qui est requis. Le septième thème, c'est la qualité des environnements intérieurs. Donc, ici, on s'évertue à réduire, à éliminer les polluants, tout en permettant une amélioration de la qualité de l'air. Il y a un maximum de 21 points à aller chercher, puis un minimum de 6 qui est requis. Enfin, le dernier thème, qui est la sensibilisation et la formation. Souvent, dans le cas des habitations, on va voir les gens s'impliquent beaucoup lors de la conception, lors de la construction de leur résidence, mais ça arrive, ça va arriver de plus en plus, que les gens vont l'acheter déjà toute faite. Donc, il y a certains, un volet éducation, dans le fond, qui est important de faire. Oui. Si les gens vont être sensibilisés, vont être éduqués par rapport à l'entretien, puis comment opérer notre maison LEED. Donc, il y a un maximum de 3 points seulement à aller chercher, puis il n'y a pas de minimum non plus. Donc, c'est... Le mode de vie LEED, là. Mmh, oui, exactement. Il faut s'assurer qu'après, les gens dans leur maison, ils suivent le mode de vie LEED. Ça, ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'ils ont entre les mains. Parce que c'est dans certains cas, justement, si on a affaire à une maison qui a le solaire passif, mettons, puis ils ont des volets, on voit ça de plus en plus, pendant l'été, pendant les heures très chaudes, ils peuvent descendre des volets pour minimiser l'entrée, diminuer le... Parce que sinon, la maison devient trop chaude. Mais s'ils ne savent pas ça, puis qu'ils ne baissent pas les volets à ce moment-là, ils ne savent pas comment opérer le solaire passif. Oui, c'est un fait, mais malheureusement, l'inspecteur ne passe pas après pour voir effectivement si ceux qui habitent la maison l'utilisent de façon optimale aussi. C'est ça. Est là pour, mais souvent, les gens qui vont acheter une maison LEED, ils savent que ils veulent l'acheter. C'est ce qu'ils veulent, effectivement. Voilà. Mais justement, est-ce qu'il y a déjà des maisons LEED certifiées, en fait? Oui, bien, au Québec, en ce moment, il y a à peu près 500 habitations, 500 propriétés qui sont en processus de certification. Okay. Au 25 octobre de cette année 2010, il y en avait 14 qui avaient été certifiées, dont 3 ici à Québec. Deux d'entre elles sont certifiées A. C'est les maisons là, qui ont été construites lors de l'émission Ma maison Rona, c'est pour ceux qui ont suivi l'émission. Mm-hmm. Puis la troisième, c'est la maison Expo Habitat qui est certifiée argent. C'est C'est parfait comme ça. Je suis très contente de lire cette statistique-là, qu'il y en a 500 en cours de certification, mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas nécessairement débourser l'argent pour mener à la certification, mais ils vont quand même s'inspirer des principes qui sont véhiculés par ils le programme. Il peut en prendre quelques-uns quand même, Et il y en a probablement beaucoup plus que ça qui le sont, mais qui ne sont pas certifiés ou qui ne sont pas en voie de l'être. Qui respectent probablement la certification, mais qui ne sont pas officiellement certifiés. C'est ça, exactement. Donc, à Québec même, si on fait, à part les habitations privées, la certification LEED va bon train. Il y a 35 projets, autres que les habitations, qui sont certifiés ou en voie de l'être. Par exemple, là, pour les plus visibles, la place de l'Escarpement, qui est située au coin de l'autoroute Robert-Bourassa puis du boulevard Le Bourgneuf, là, qui vient d'être certifié LEED Or, mais ça, c'est pour le volet nouvelle construction. Puis, tout près d'ici, à Limoilou, là, sur la 13e rue, il y a l'école de la Grande Hermine qui a été certifiée. Moi, je trouve que c'est une excellente chose que les écoles suivent la certification LEED, parce qu'au niveau de l'économie d'énergie, la qualité de l'air intérieur, on passe à nos enfants. Je trouve ça excellent comme, comme démarche pour les nouvelles écoles en train d'être construites. Là. C'est vraiment bon. Oui, en fait, cette école qui est sur la 13e avenue à Limoilou, 13e rue à Limoilou. Oui, 13e rue. Oui, une école qui a été démolie pour construire cette école-là, effectivement. Exactement. Oui. Elle a été certifiée, certifiée au niveau là, de base. Là. OK. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coût plus élevé pour mettre en place des technologies ou l'achat de matériaux écologiques, en fait? En fait, il y a deux semaines, par exemple, tu nous parlais de la géothermie qui était plutôt dispendieuse pour une habitation. Oui, bien, effectivement, quand on passe à une résidence verte, on pense tout de suite au surcoût. Et c'est facile, en effet, qu'une maison verte puisse coûter cher. Sauf que les maisons certifiées, certaines maisons certifiées LEED, ils n'ont pas coûté plus cher à construire. Pour la simple bonne raison, bon, le programme comporte plus de 50 mesures qui vont permettre de diminuer l'empreinte écologique d'une maison sans ajouter de coûts supplémentaires pendant la construction. Par exemple, des mesures toutes simples comme concevoir un réseau de plomberie compact. Ça va permettre de diminuer l'utilisation qu'on fait de l'eau. Ça ne coûte pas plus cher, puis en même temps, c'est quand même assez sensé comme démarche. On ne met pas de garage attenant à la maison. On a des points pour ça, parce qu'un garage qui est attenant à la maison va polluer l'air intérieur. Bon, réduire les déchets de chantier. C'est faire en sorte que tous les déchets, bon, quand il y en a, on envoie ceux qui sont à être recyclés au recyclage, etc. Ou réutiliser peut-être aussi. Réutiliser, puis tout simplement utiliser les bonnes quantités. Ouais, puis vraiment bien concevoir, bien planifier. Planifier, oui. C'est ça. C'est tout simple, mais bon, ça ne se fait pas toujours. Bon, on a des points pour ça. Et c'est des choses qu'on faisait aussi, probablement, il y a quelques années, quand on était pauvres, on réutilisait tout. Quand on faisait soi-même. Quand on faisait soi-même. Quand tu fallait, tu paies à mesure. Ouais, tu jettes pas. C'est ça, exactement. Ben, imaginez, dans la certification LEED, il y a des points pour ça. Donc, une autre mesure qui se faisait justement dans l'ancien temps, qui ne se fait pas nécessairement aujourd'hui, c'est orienter la majorité des fenêtres vers le sud-est, vers le sud-ouest, le solaire passif dont je parlais. C'est tout simple. Oui. Mais ce n'est pas si évident que ça quand on est obligé de se conformer, mettons, à l'orientation de la rue. Ben, les maisons toutes construites, toutes pareilles, mais ce n'est pas nécessairement toute la majorité des fenêtres vont se retrouver au nord. Ben là, tu sais. Mais sauf que maintenant, il y a des modèles de maisons qui vont permettre d'orienter, malgré ça, les fenêtres au sud-est, au sud-ouest. Donc, c'est sûr que, comme tu disais tantôt, la géothermie ou le photovoltaïque, le solaire actif, ça coûte plus cher. Ça prend plus de temps. Il y a un retour sur l'investissement. C'est plus à long terme. C'est ça. C'est ça. Mais moi, je pense, dans le fond, tout est dans l'art de choisir, puis de planifier, de s'impliquer lors de la conception, de la construction de la maison. Et une maison écologique abordable va être de taille raisonnable, pas aller au-delà de ses vrais besoins. Ça demande un certain questionnement sur l'espace qu'on a vraiment besoin d'occuper. Mais surtout de conception intelligente. Intelligente, efficace, oui. Ça va privilégier les matériaux qui vont être durables. Donc, les rénovations vont arriver plus tard dans la vie de la maison. Va miser d'abord et avant tout sur d'importantes économies d'énergie. C'est la maison écologique abordable. Tout à fait. Alors, un petit peu plus rapidement, parce qu'en fait, le temps va nous manquer bientôt. Alors, est-ce que, en fait, cette norme est bien reconnue, la norme LEED? Oui, c'est de plus en plus reconnu. C'est effectivement, heureusement aussi. Par contre, il y a des détracteurs. Les gens disent que c'est trop facile de certifier justement à cause du phénomène de compensation, comme je disais tantôt. Okay. On va compenser certaines lacunes. Une catégorie va compenser pour l'autre. Ce qui peut arriver, c'est qu'on arrive à des situations paradoxales où, par exemple, une maison va avoir pris tous les points sur le plan énergétique, puis négliger le reste et se retrouver sur le haut d'une montagne accessible seulement en 4x4, etc., loin des services, etc. Donc, on peut arriver à des situation paradoxale, c'est un peu ça. C'est la faiblesse, sauf que je me dis, c'est quand même un bon pas dans la bonne direction. Absolument. Parce que ça l'éveille les consciences l'importance de concevoir et de bien planifier sa maison. Le souci d'utiliser les matériaux les plus durables et les plus locaux possibles. Oui. C'est ce que ça permet de faire. Et il ne faut pas... Oui, il y a des points faibles. C'est voué à l'amélioration. C'est un nouveau programme. Il y a des lacunes qui sont apportées, mais j'ai l'impression que grâce à ça, on va en arriver à construire naturellement. Mm-hmm. Ça va aller de soi de faire une maison écologique pour toutes sortes de raisons. À long terme, c'est rentable, autant du point de vue financier que pour notre santé à nous, là, et la santé de l'environnement dans lequel on l'établit. Et ça va concentrer les gens aussi sur la dépense énergétique. Oui, exactement. Également. Ah oh oui, c'est vraiment tout un procédé de processus de conscientisation, de sensibilisation, d'intégration. Absolument. Voilà. Alors, merci Geneviève pour ce topo sur la certification LEED. Alors, on fait une pause publicitaire sur CKRL 89,1 et au retour, on parle des acouphènes.